Donc l'associationnisme majeur, l'associationnisme mineur, les innovations, ensuite les grands péchés et ensuite les petits péchés. Les grands péchés, c'est tous les péchés qui sont interdits, toutes les choses qui sont interdites dans l'islam, et il a été rapporté dans les textes des menaces pour ceux qui les font, comme le fait que le Nabi sallam se désavoue de celui qui le fait, comme le fait de maudire celui qui le fait, comme le fait de le menacer par le châtiment dans le bas-monde ou dans le monde tambal ou dans l'au-delà, et ainsi de suite.